Deuxième partie, chapitre 1er. Octobre est le moment du retour de la sardine qui, après avoir depuis mai remonté vers le nord pour y chercher des eaux plus fraîches, commence à fuir l'intensité grandissante du froid pour retourner à la chaleur. Aussi, les pêcheurs sortaient chaque jour pour aller tendre leurs filets et pouvaient espérer rentrer avec un chargement fructueux. Hervé Guivarc termina rapidement son installation, pressé d'aller prendre sa part de la bonne aubaine qui se présentait et de débuter dans une période avantageuse. Quelques jours lui suffirent pour aménager sommairement sa maisonnette et achever l'appareillage de sa barque. Maintenant, elle flottait en face de l'hôtel de la marine, ses voiles neuves passées à la teinture et prenant l'air, peintes à neuf, reluisantes de propreté. À l'arrière, un nom se détachant en blanc sur le noir des planches vernies, Marie-Anne, un hommage à sa cousine Marianique, sous le patronage de laquelle il la plaçait et, comme numéro d'ordre, également répété sur les voiles, celui que le sort de l'inscription lui avait donné, 888, trois chiffres semblables dont l'originalité ne lui déplaisait pas. Il avait fallu peu de temps pour qu'il se remît, ou plutôt parut se remettre au courant des habitudes de la vie simple et peu mouvementée des pêcheurs. Les uns après les autres, ceux qu'il avait connus autrefois étaient venus renouer connaissance avec lui, ayant une certaine fierté naïve à se montrer le camarade de celui que, dans tout le pays, on n'appelait plus que le revenant. Quelques-uns avaient d'abord résisté, ne voulant pas croire à la possibilité d'un pareil événement. Mais peu à peu, ils avaient bien dû se rendre à toutes les bonnes raisons données, aux souvenirs d'enfance rappelés par Hervé à l'évidence. Pierre Guivarc avait formellement reconnu son neveu. D'autres retrouvaient en lui les traits de la famille. Balanec, entre autres, qui avait juré, sa chique poussée d'un coup de langue dans sa joue gauche. « Ma main a coupé, c'est Thomas Guivarc tout craché, ce gars-là !» Enfin, le naufragé avait pu raconter des particularités d'autrefois que lui seul pouvait connaître, prouver que le pays lui était familier, citer des noms, et si on n'avait pas fait disparaître la croix portant son nom au cimetière, c'est que lui-même avait insisté pour qu'on l'y laissât, par pitié pour sa sœur Yvonne, qui allait presque chaque jour porter là des fleurs ou des verdures. « Ça pourrait bien te porter malheur, cette croix !» fit un pêcheur, tout frissonnant à l'idée de ce vivant porté là-bas comme un mort. « Bah !» riposta Hervé à cette insinuation du craintif breton. « Je n'en suis pas moins bien portant pour cela et solide, je te prie de le croire, la Gadec. D'autant que ça dure depuis des années et que je ne m'en suis pas plus mal trouvé, comme tu vois. » Quelque temps après, il lui arriva, en suivant Yvonne, d'entrer avec elle au cimetière et de s'arrêter en face de cette croix dont la vue l'avait légèrement impressionné, quoi qu'il en dit, la première fois qu'il l'avait aperçue. Cette fois encore, il eut un léger tressaillement, surtout en se souvenant de la phrase récente de la Gadec. La jeune fille semait sur ce tertre, sous lequel rien ne reposait, des bruyères roses et rouges, des ajoncs d'or, toute une moisson parfumée cueillie dans la lande. Elle chantait le chant des trépassés. Quand la mort frappe à la porte, tous les cœurs sont frappés d'effroi. Quand à la porte se présente la mort, quelle la mort doit-elle emporter ? Son frère se mordit les lèvres, l'épiderme subitement caressé comme par un vent de mort en écoutant cet air lugubre, dont les paroles sonnaient si sauvages et si rudes. « Pasco armar war an nor, stocker calonu. » Il tenta une épreuve et tout bas insinua. « Il n'est pas là, ma petite Yvonne, ton Jean-Marie Hervé. » Elle sourit mélancoliquement, secouant la tête, et répondit, poursuivant la funèbre chanson, « Un drap blanc et cinq planches, un bourrelet de paille sous la tête et cinq pieds de terre par-dessus. Voilà les seuls biens de ce monde qu'on emporte au tombeau. » Hervé, malgré son endurcissement, son mépris de la mort, sentit un froid de glace couler par tous ses membres et un juron gronda au fond de sa gorge. « Le diable soit de... » Il n'osa achever, mordu par la superstition originelle, son sang de breton de nouveau remuait secrètement, comme le premier soir dans les dunes, en dépit du cynisme dont l'avait cuirassé les années mystérieuses de son existence à l'étranger. Les sinistres mots lui entraient syllabe à syllabe en plein crâne, roulant leurs rocailles armoricaines. Comme si le cercueil se fût dressé là, prêt à le saisir entre ses cinq planches. N'osant rien dire, il était parti, se sauvant presque, poursuivi par le bourdonnement de deuil. Du reste, la pauvre folle lui faisait pitié et le tenait sous une sorte de suggestion dont il n'aurait pu au juste s'expliquer l'origine. Il eut tout fait pour lui épargner une souffrance, un chagrin. C'était là comme un lien du sang, plus fort que sa volonté, un souvenir lointain qui renaissait, le reprenait, redevenait en lui puissant et doux comme aux années d'enfance, lorsqu'il promenait la petite, la portait dans ses bras et ne trouvait jamais assez de gâterie, d'affection, de tendresse fraternelle pour elle. Tout cela, depuis son retour, remontait sourdement en lui, l'étreignait à la gorge, l'arrêtait brusquement en plein cours d'une mauvaise pensée, d'un mot simple, d'une action méchante. Quelques jours seulement s'étaient passés, et il avait senti grandir cette étrange domination de l'innocente sur lui, l'enveloppant comme un étroit filet aux mailles serrées. Il se soumettait, lui qui, depuis près de 20 ans, ne connaissait plus d'autre maître que lui-même. Il eut d'abord quelque peine à recruter l'équipage qui lui était indispensable pour manœuvrer sa barque. 3 hommes et 1 mousse. On se méfiait de lui. On redoutait le regard dur de son œil si clair que des nuages semblaient souvent troublés, et dans la limpidité duquel flottaient tout à coup des choses troubles, comme la lie de son âme, comme la demi-révélation de vilains actes, d'un passé lourd, incertain. Mais la race camarétoise est si bonne, la population si foncièrement honnête et franche, que l'on attribua tout cela à l'influence des longues années passées en exil, dans l'amertume des terres étrangères, dans la souffrance des désespoirs ignorés. On revint à lui avec la honte et le remords de cet instinctif mouvement de recul. On lui redonna la confiance comme si, enfant du pays, il n'avait jamais quitté Camaret. 3 des plus pauvres pêcheurs, Lagadec, Tréboul et Kerbonne, acceptèrent de faire partie de la Marianne et il choisit comme mousse un filleul de Garec, Pierrick, un petit gars bien râblé, dur d'échine, souple, malin comme un singe et que, dans le pays, ses camarades appelaient par manière de plaisanterie le macaque, en raison de ses grimaces, de ses yeux rapprochés tout petits, de son agilité et de ses farces. Alors il prit à son tour la mer. Au début, il ne fut pas heureux. On eût dit que, subitement, le poisson avait disparu. On avait beau jeter de la rogue, varier les appâts, c'est à peine si les barques revenaient avec quelques centaines de sardines. Quelques-uns grognaient sourdement, faisant remarquer que cela avait justement coïncidé avec la première sortie de la Marianne et accusaient tout bas le revenant de leur porter malheur. Une certaine jalousie était venue de lui voir prendre la mer, lui, se naufrager avec un bateau flambant neuf, taillé à la manière de Douarnenez, meilleur marcheur que ceux de Camaret, plus rapide à se porter aux bons endroits et coupant en quelque sorte l'herbe sous le pied aux amis, leur volant leur pêche. Tonton Corentin, en présence de cette sourde hostilité, prit résolument parti pour Hervé Guivarc, affirmant de sa parole qui faisait autorité « Il faut que tout le monde vive !» Il ajouta « Le poisson reviendra, vous verrez, c'est qu'on en a trop pris ces temps-ci, il se méfie !» En effet, sans aucune raison, quelques jours plus tard, la pêche reprenait en abondance, et désormais, on cessa de croire à la funeste influence du revenant.